Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour les auditrices et bienvenue dans Au bord des corps. Dans la lignée de la dernière interview qu'on avait faite avec Elou sur la MAMEC, j'interview aujourd'hui Max qui a lui aussi fait une MAMEC, donc du coup pour avoir un autre témoignage et d'autres conseils peut-être. Voilà, est-ce que tu veux te présenter un peu plus ? Du coup, juste situer un peu d'où je parle. Donc, je suis un mec trans non-binaire, blanc, valide et avec, enfin, privilégié financièrement. Voilà. Ok. Du coup, la MAMEC, à quel moment ça t'est venu à l'esprit ? Ben, en fait, je pense que pour moi, ça a été un peu le point de départ du début de ma transition, on va dire, proactive, officielle, je sais pas comment il faut dire. Pas la MAMEC en tant que telle, mais le fait d'être gênée par ma poitrine, ça a été un peu le point de départ de pas mal de questionnements. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu par hasard dans un milieu transféministe dans lequel je débarquais complètement mais que je trouvais très très cool. Et en fait au même moment bah, je me suis rendu compte que j'étais très gênée par ma poitrine et voilà, j'ai mis quelques temps à faire le lien entre le fait que voilà, je voyais des personnes trans évoluer autour de moi et que ça me faisait me dire que quelque part c'était possible. Et ça réveillait des questionnements plus anciens. Et le fait que j'étais mal par rapport du coup à mon corps. Mais en gros, ça a été un peu ça le point de départ. Quand tu disais que tu voyais que c'était possible, parce que tu étais entourée d'autres personnes qui avaient déjà fêté ma mec, par exemple ? Ouais, pas forcément, mais de personnes trans, NB, out, et genre bien. Sauter ou pas, bah après opérer ou pas ça j'en sais rien parce que je leur posais pas la question. Parce que toi tu t'identifiais comme trans NB à ce moment-là ou pas ? Non, pas du tout. Je m'identifiais comme cis lesbienne, puis Gwyn en commençant un peu à me politiser, mais c'était vraiment le tout début, voilà, donc non, pas du tout à ce moment-là. Ok, du coup c'est dans ce milieu-là que t'as commencé à avoir tes premiers questionnements par rapport à la transidentité ? Ouais. Et c'est venu assez... dans ces questionnements-là, enfin le rapport à ta poitrine et tout était genre on faisait partie du coup direct, enfin bah ouais, c'est même plutôt le contraire, c'est genre j'avais des soucis de rapport avec mon corps et avec ma poitrine qui, enfin bon, en gros je pense que ça joue, c'est pour ça que je le précise, genre qui est devenue une forte poitrine assez tard dans ma vie, genre quand j'étais ado c'était pas le cas par exemple, enfin Et du coup, à ce moment-là, j'avais du coup 21-22 ans. Et en fait, je me sentais hyper mal et j'étais un peu tiraillée par... Enfin, voilà, je pensais vaguement à la réduction mammaire. Enfin, j'étais un peu sur ces bails-là. Je faisais pas du tout le rapport avec la transidentité ou la non-binarité à ce moment-là. Et en fait, parallèlement, on va dire, bah, j'évoluais dans ce milieu-là avec des personnes out sur le plan des transidentités en général. Et en fait, j'ai fini par péter un peu en plomb et par être vraiment pas bien à un moment. Et je suis allée voir un psy assez random, qui d'ailleurs il connaissait rien du tout. Qui j'ai dû faire pas mal de pédagogie et tout. Mais qui en même temps a été la première personne à me dire... à me faire voir le lien entre les deux, quoi. Entre des trucs que j'avais depuis longtemps, de dissociation par rapport à mon corps et tout, et le lien avec comment je me sentais vis-à-vis de ma poitrine et ce que je lui racontais du milieu queer et tout ça. En fait, c'est lui qui m'a vraiment amené à connecter ces différents aspects. Ok. Et du coup, t'en parlais pas avec les autres personnes du milieu transféministe que tu fréquentais à ce moment-là ? Il n'y avait pas des personnes avec qui tu... T'en as parlé, enfin, d'abord, exclusivement à ton psy. Non, à partir du... Enfin, oui et non. En gros, à partir du moment où, mon psy m'a amené à avoir cette espèce d'étincelle de... Bah oui, effectivement, il y a peut-être un lien. Là, j'ai commencé un peu à en parler à 2-3 personnes proches du milieu queer féministe. Mais avant, en fait, je pense que c'était vraiment coincé dans ma tête. Donc, je le... enfin, vraiment, c'était pas en questionnement pour moi. C'était vraiment... Enfin, il y a eu un peu un avant, un après, quoi. Et genre, ça a un peu fait, pour le coup, un tilt. Pas sur tout, même pas sur la mamec, mais pour le coup, le questionnement sur la mamec, sur le corps... Enfin, pas sur la mamec, mais sur le corps, sur la poitrine, m'a amené à vraiment un déclic sur ma transidentité, pour le coup. Ça s'est pas fait en mode de vraiment réfléchir. Enfin, bien sûr, après, j'ai continué à y réfléchir, mais... Voilà. Et okay. Donc, non, avant de commencer à m'outer d'une certaine façon auprès de certaines personnes, j'en avais parlé à personne d'autre, non. Ok. Ok. Et du coup, enfin, à partir du moment où il y a eu... Enfin, t'en as parlé à ce psy, ça s'est enchaîné comment, genre, est-ce que directement t'as pris des renseignements pas pour la mamec, ou est-ce que le délai a été plus long, ou est-ce que t'as... Non, en vrai, ouais, ça s'est fait assez vite. J'ai testé d'abord un peu des prénoms, mais je commençais déjà immédiatement, j'ai commencé à réfléchir à la mamec. Enfin, en fait, à la base, j'hésitais... Enfin, à ce moment-là, j'hésitais encore, du coup, entre réduction mammaire et mastectomie, du coup. J'étais pas très fixée sur ce que je voulais, mais par contre je savais que je voulais l'un des deux. Okay. Ça c'était sûr. Donc j'avais commencé de toute façon à regarder des chires voilà, par rapport à ça, et parallèlement à tester des prénoms. En fait j'ai testé un prénom et c'est celui que j'ai pris, mais voilà, à tester progressivement avec différentes personnes. Ok. Et pour les recherches et tout, enfin Elio disait que... Enfin, du coup, il avait fait beaucoup... Enfin, je crois qu'il a quand même fait pas mal de recherches de son côté, mais enfin, qu'il a aussi eu recours à la communauté transmasque pour trouver un peu des ressources. Est-ce que toi aussi, genre, t'as eu des personnes qui t'ont conseillé, avec qui t'en as parlé, ou t'as exclusivement cherché par toi-même des chires qui faisaient ça? Ouais, non, je suis passée... En fait, je suis passée par une asso marseillaise, bon, que je citerai pas, parce que... Il y a toujours plein de, voilà, de trucs intra-milieux un peu complexes, et... voilà, mais en tout cas, sur le coup, l'asso a été vraiment... Enfin, réactive et là pour moi, et c'était notamment une des personnes de l'asso que je connaissais d'avant, parce que, voilà, on avait déjà fait un peu des débuts de projets militants ensemble et tout, et qui m'a vraiment donné tous les renseignements, tous les premiers renseignements dont j'avais besoin, mais même de façon assez poussée, quoi, qui m'a vraiment renseigné sur, enfin, à la fois qui m'a donné le nom de différents chirurgiens, qui m'a expliqué les différentes opérations, qui m'a expliqué tout l'aspect administratif et genre comment se faire rembourser, etc. Enfin, vraiment, c'était assez complet, quoi. Ok. Et à la suite de ça, bah, j'ai commencé à chercher tout des chires, et pour le coup, là, une fois que mes recherches étaient lancées, en parallèle, j'en ai parlé à une autre amie du milieu queer féministe, qui m'a mis en relation avec une personne trans qui avait été opérée et qui a accepté d'en discuter avec moi. Et pareil, ça a été une discussion... Voilà, importante et intéressante, et pour le coup, okay. Ça m'a quand même aidé. Ouais. Parce que il y avait des inquiétudes en particulier ou des questions en particulier qui travaillaient? Ben, oui, oui, je... Enfin, en fait, j'avais vraiment peur du côté point de non-retour, quoi, puisque je pense que, enfin, comme toute construction d'identité, l'identité de genre, elle se construit pas en... Enfin, surtout quand on la remet en question et qu'on la bouleverse, elle se construit pas instantanément, et c'est difficile de se dire là je suis arrivée à quelque chose, quoi que ce soit, en fait. Et quelque part, une opération qui fait que, bah voilà, 3 heures avant ton corps il est comme ça, 3 heures après ton corps il est quand même radicalement différent, et notamment Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais notamment, voilà, en ayant une forte poitrine, ça modifie vraiment toute la silhouette de façon très... Enfin, en tout cas, vu de l'intérieur, ça change vraiment tout. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Même l'équilibre, enfin, plein de choses, en fait. Et du coup... Du coup, ouais, j'avais peur du côté, bah, en fait, ça, une fois que c'est fait, quoi. Et genre, ok, ouais, bien sûr, je pourrais toujours me débrouiller pour, je sais pas, faire une chirurgie d'implant, par exemple, si vraiment, vraiment, je regrette. Mais bon, quand même, il y a ce côté relativement irréversible et genre, du coup, grosse, grosse décision. Donc, ouais. Mais du coup, cette personne, enfin, a trouvé des mots, enfin, donner des mots qui ont pu t'apaiser par rapport à ça, ou parce que du coup t'y allais, donc du coup est-ce que c'est parce que cette personne t'a rassuré par rapport à ça, ou c'est par ton propre cheminement que tu t'es dit que c'était quand même ce que tu voulais faire? Ouais, non, à vrai dire, cette personne, dont je reconnais tout à fait qu'elle était très cool et tout, mais juste il s'avère que on a discuté assez tard dans le process, en fait, et que du coup ces doutes là, ils sont revenus vraiment genre juste avant la Mamec, mais à ce moment-là ils étaient, enfin je les pensais en tout cas passer. Donc en fait on a vraiment plus discuté de l'aspect quel type d'opération, puisqu'à ce moment-là j'hésitais, on va dire, entre deux chirurgiens et entre deux types d'opérations, et en fait voilà, c'était plus autour de ça qu'on a discuté. Et pour le coup, c'est aussi un des rares moments, peut-être même le seul, en fait, où je me suis sentie vraiment faire partie d'une communauté et être soutenue par cette communauté, quoi. Okay. Et ça, c'était chouette. C'était vraiment très chouette et c'était très important. Mais par contre, non, on n'a pas vraiment discuté, en fait, de ces questionnements-là. Ceux-là, je les ai plus finalement discuté, encore une fois, avec mon psy... Si cette vieux bourgeois qui curieusement s'est avéré, en tout cas avec moi, très humble dans sa posture de je suis désolée, je connais pas, donc je vous demande un effort de m'apprendre des trucs. Mais après, qui faisait son taf de psy derrière, de faire les liens, quoi. Enfin, m'aider à faire les liens que j'arrivais pas à faire, et y compris m'aider à justement à relâcher la pression vis-à-vis de l'opération. Quand tu dis soutenue par la communauté, c'était la communauté des personnes transmasques en général, ou essentiellement des personnes opérées, ou la communauté queer, ou... Bah, à vrai dire, à ce moment-là, j'avais pas... Enfin, je suis toujours un peu, mais moins quand même, beaucoup moins. J'étais beaucoup le cul entre deux chaises, parce que j'étais dans... Enfin, en fait, j'étais dans cette communauté, en même temps, j'y étais pas. Enfin, c'est assez... Enfin, voilà, assez... Ce serait un peu compliqué à retranscrire, mais en résumé, j'avais pas d'amis ni de potes transmasques, en fait. Ou NB, AFAB, enfin... J'avais très peu de potes ou d'amis dans cette communauté. Littéralement, j'en avais 3, en fait, globalement. Toutes ces personnes étaient des meufs cis. Ok. Oui. Donc, et après, voilà, du coup, je voyais, on va dire, graviter dans mon milieu habituel des personnes transmasques, mais je les connaissais pas, on n'était pas potes, on n'était pas amis, donc je me voyais difficilement faire ce que j'ai fait, du coup, avec une personne, avec ma pote qui avait fait l'intermédiaire, mais sinon, je me voyais pas trop arriver et dire hey, coucou. Tu veux pas me parler de ton OP, ou... sachant que je savais même pas si c'était des personnes, enfin je savais pas du tout où elles en étaient elles-mêmes de leur parcours de transition. Et avec du coup tes autres potes, tes 3 potes queer, mais donc meufs cis et tout, ça a été très vite compris, elles ont fait aussi, elles sont renseignées aussi, elles sont informées pour t'accompagner, elles t'ont aidé dans tes recherches, outre le fait d'avoir fait cet intermédiaire. Mais... Pour le coup, ces 3 potes-là étaient très habituées, elles-mêmes, pour le coup, avaient des potes et des amis transmasques et étaient dans le milieu queer féministe depuis longtemps, et étaient en mode zéro souci, et même, il y a une d'entre elles qui a été un peu la personne à qui je l'ai je pense que c'est la première personne à qui j'ai dit que je pensais peut-être être trans ou quelque chose comme ça, et que genre, voilà, et qui était en mode, bah oui, bah je voulais te, enfin, j'osais pas t'en parler, mais voilà, enfin, genre, enfin, c'était, non, c'était plus que chill, c'était même, je pense, pour elle, habituel, en fait. Et quels étaient les, enfin, les critères que tu recherchais, enfin, tu savais ce que tu voulais exactement en termes d'opération? Bah, pas vraiment, mais moi j'avais pas non plus un choix infini parce que bah, du coup, forte poitrine, donc de toute façon, tout ce qui était sans cicatrice c'était impossible. Okay. Donc il me restait bah, deux options, parce que déjà bien, mais qui étaient bah, soit avoir du coup, genre je sais plus les noms techniques, hein, je suis désolée, mais en gros, soit avoir la cicatrice en dessous du pectoral. Comme je pense l'image qu'on a le plus souvent, spoiler alert, ce que j'ai fini par faire, ou alors bah du coup essayer de conserver la sensibilité des tétons, ce qui amène, enfin ça évolue vite, donc je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais en tout cas il y a 3 ans amenait à une cicatrice qui passait au milieu, en fait au milieu du... C'est pas pectoral. La péri-aréolaire, ça ? Non, ouais. La péri-aréolaire, c'est celle qui laisse pas de cicatrice, qui est faisable. Enfin, qui laisse une cicatrice, mais qu'on voit souvent plus du tout au bout d'un moment, qui est juste autour de l'aréole, du téton. Et qui est faisable que en dessous d'un bonnet B. D'accord, ok. Voilà. Ok. C ou B en fonction des chirurgies. Donc, du coup, ça pour moi, c'était pas. De toute façon, c'était pas possible. Donc après, restaient voilà, les deux options qui, de toute façon, supposaient des cicatrices, mais une placée plutôt en dessous du pectoral, quoi, et l'autre passant au milieu, donc en fait passant au niveau des tétons, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mais permettant de conserver la sensibilité, du coup. Et du coup, toi, ça, c'est quelque chose que tu souhaitais... Bah, du coup, moi, non, pas du tout. Enfin, je me suis quand même interrogée, parce que, bon, voilà, c'est un gros changement, mais... Moi j'étais plutôt, ça m'emmerdait plus qu'autre chose la sensibilité de mes tétons avant, donc c'était pas spécialement le truc que j'avais envie de conserver, même si l'idée de genre ne plus sentir du tout d'un endroit de mon corps, ça la perspective me faisait bizarre, donc j'ai quand même hésité un moment, mais j'avais pas très envie, et esthétiquement je trouvais ça moins... Ouais, je trouvais ça moins sympa comme rendu. Enfin, j'aimais mieux le rendu d'une cicatrice qui passait en dessous, enfin, de cicatrices qui passaient en dessous. Ok. Voilà. Quand tu dis que c'est la représentation qu'on a le plus, enfin, tu penses à quoi comme... Parce que t'avais... C'est des images... Bon, je dis ça, mais enfin, à l'époque, j'en avais pas trop de représentations. Okay. Mais maintenant, plus ça va, plus, oui, voilà, sur... Enfin, que ça soit sur des groupes Facebook ou que ça soit sur... Des illustrations militantes ou des fanzines ou quoi, c'est vrai que souvent, enfin j'ai l'impression, hein, mais peut-être que je me gourre, mais j'ai l'impression que souvent je vois passer beaucoup voilà, le torse transmasque opéré, et souvent genre... Mais c'est vrai que je connaissais même pas celle qui est passée genre au milieu, enfin je connaissais péri, enfin aréolaire, et celle en dessous, et moi quand je fais des dessins justement... avec des personnages, avec des mecs et tout, effectivement, j'ai généralement que genre la cicatrice en dessous. Mais ok, d'accord. Et du coup, tout ça, ça a pris combien de temps, toutes ces recherches avant l'opération ? Ben, pas si longtemps, finalement, parce que j'ai commencé à vraiment... Enfin, je sais que j'étais vraiment pas bien et tout. C'était un mois de novembre, enfin, genre la rentrée, du coup, 2018. Ok. Ouais, c'est ça, 2018, la rentrée 2018, et en fait j'ai en juin 2019, du coup, donc de la même année scolaire, quoi, on va dire, j'avais ma date d'opération. Ok, t'avais pas peur pour l'été et tout, par rapport aux cicatrices et tout, c'était pas... Bah justement, j'avais planifié l'intervention, enfin, de toute façon, la plupart des chirs veulent pas opérer l'été, ou juste avant l'été. Donc du coup, j'avais une date d'opération pour mi-septembre. Ah ok, mais t'as pris ton rendez-vous en juin, mais ça a été après l'été que tu t'es fait opérer. Ok, d'accord. Et du coup, toi, t'étais sous ALD déjà. Ouais. Donc ça a été spécifiquement pour ça ou... Alors, ça a été pour ça, parce que moi, à ce moment-là, c'était vraiment le seul aspect de transition médicale que j'envisageais. Enfin, médicale, j'aime pas trop ce terme, chirurgical que j'envisageais. Donc oui, c'est pour ça que j'ai demandé une ALD, mais alors j'avoue que j'y réfléchissais tout à l'heure, en fait, je sais plus trop pourquoi. Je pense parce qu'à la base, dans toutes les informations, du coup, à engranger de genre les différentes possibilités et tout... je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est comme ça que la personne m'avait présenté, mais enfin ça m'était apparu comme obligé en fait, l'ALD. Genre je pensais pas que c'était possible de se faire opérer sans. Enfin j'avais même pas réfléchi au côté finalement est-ce que ça change quelque chose. Enfin je pensais que c'était évident que ça changeait vraiment quelque chose au niveau remboursement, notamment. Et j'étais même pas sûre de si c'était pas obligatoire. Donc enfin moi ça a été vraiment la première étape quoi. Genre. Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à faire des recherches et où je savais que je voulais me faire opérer, j'ai tout de suite été demandé une ALD, ce qui était beaucoup plus simple à l'époque. Parce que, bah, du coup, c'était avant que soit nécessaire un suivi à la fois psychiatrique et d'un endocrino. Donc, à ce moment-là, il suffisait, entre guillemets, d'aller voir ton médecin généraliste et... Et voilà. Parce que maintenant, pour avoir une ALD, il faut avoir aussi un avis de... Il faut avoir une atteste psychiatrique et une atteste d'endocrine. Mais que dans le cadre de la transidentité, du coup. Parce que moi aussi, je suis sous ALD pour d'autres choses, mais... Oui. Mais ok. Oui. Mais à ce moment-là, c'était pas le cas. Et comme, pour le coup, là où j'étais, il y avait une médecin généraliste qui était cooptée par toute la... Enfin, qui suivait absolument toute la commu et qui faisait des ALD à tour de bras sans souci, bah... J'étais la voir et j'ai fait une ALD parce que... Et en plus, je regrette pas parce que... Et ça, pour le coup, je pense que mon statut privilégié financièrement est vrai. Enfin, je joue beaucoup là-dessus que... Pour moi, je pense que c'était vraiment un bon choix parce que, bah, du coup, ça permet d'être remboursé à 100% et de couvrir d'éventuelles prises en charge à venir autour de la transidentité et tout ça. Après, je pense que, pour en avoir un peu discuté avec des personnes... plus précaire financièrement, ben c'est à réfléchir parce que l'ALD ça peut aussi bloquer pour des prêts à la banque, pour pour pas mal de choses, même pour louer un appart, c'est un truc qui peut être quand même potentiellement regardé et potentiellement invalidant. On peut te demander ça en appart? Ben normalement non, mais bon. C'est pas des... Comme la banque, normalement, peut pas te le demander, mais si jamais, ça leur tombe sous la main, ben c'est quand même potentiellement invalidant pour le taf, typiquement. Enfin, c'est quand même... Voilà. Enfin, c'est à réfléchir parce que souvent, les personnes voient ça en mode du coup, t'es en sursis. Et du coup, on va hésiter à... C'est vrai que moi, ça m'a pas encore... Voilà. En vrai, je suis peut-être partie trop vite du système. Pour que ça me... Mais ouais. Enfin, moi non plus, ça m'a jamais handicapée. Mais voilà, moi, je sais que c'est aussi parce que j'ai ce confort-là et que, voilà, que c'est un truc en tout cas à réfléchir parce que ça peut ne pas être anodin, apparemment. Et genre, je veux tout à fait bien le croire. Et qu'une ALD, c'est quand même 5 ans, quoi. Donc, c'est pas... Voilà, c'est une forme d'engagement pour un moment aussi, quoi. C'est clair. Ok, et du coup, est-ce que, enfin, je sais pas si tu peux, si c'est ok pour toi de parler de tarifs, parce qu'il y a forcément généralement des dépassements d'honoraires, mais pour avoir un peu au moins une fourchette de combien t'as dû sortir de ta poche Il y a pas, alors, enfin, si je peux donner des fourchettes, mais les fourchettes sont larges et varient beaucoup. Moi, je sais que j'ai dû. Mes parents ont, j'ai beaucoup de chance là-dessus, sorti de leur poche entre 800 et 900 euros, dont ils n'ont pas été remboursés, j'entends. Parce qu'à la base, c'était plus, mais voilà. Oui, de dépassement d'honoraires. Ah oui, de toute façon, que de dépassement d'honoraires, puisque moi, j'étais sous ALD, donc remboursé 100%. À 100% au niveau de la sécu. Donc, de toute façon, voilà. En plus, vis-à-vis de ma mutuelle... du coup le chir qui m'a opéré a coté l'opération comme étant une réduction mammaire parce que en fait quand on fait une réduction mammaire au-delà d'un certain nombre de grammes enlevés par sein, la Sécu et du coup aussi les mutuelles considèrent que c'est plus une chirurgie esthétique, mais que c'est une chirurgie voilà, curative, quoi. Que c'est, parce que ça peut créer des problèmes de dos, machin. Voilà. Donc, si on se fait enlever plus de 300 grammes par sein, trop bien. Voilà. Ce qui, en fait, est très, très, très souvent le cas dans les mastectomies. Parce qu'en fait, quand t'enlèves tout, ça fait souvent plus de 300 grammes par sein. Ok. Voilà. Et bien, c'est si le chirurgien accepte de coter ça comme... en fait, réduction mammaire, ce qui, techniquement, n'est pas faux. Donc, en fait, elle risque rien, mais juste, voilà. Et ben du coup ça va être pris en charge pour le coup s'il n'y a pas d'ALD, ça va être mieux pris en charge par la sécu, même intégralement normalement pris en charge par la sécu. Et sur les mutuelles, ben la mutuelle va rembourser une part beaucoup plus importante parce que les mutuelles remboursent pratiquement rien sur une torsoplastie ou mammectomie déclarée comme telle, genre ils remboursent 3% je crois. Super. Mais par contre, sur une, du coup, réduction mammaire pour raison de santé, là, là, c'est mieux, quoi. Je précise que tu as fait les guillemets à raison de santé. Voilà, merci. Mais, okay. Du coup, voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai eu tout ça. Donc, un peu, je pense, le maximum qu'on puisse avoir en termes de remboursement, en fait. Sachant qu'à la base... les dépassements d'honoraires du chirurgien que j'ai été voir étaient de 1100, si je dis pas de bêtises. Et s'ajoutaient les frais d'anesthésiste qui étaient de 400 balles. Ok. Donc en gros, en tout, à peu près... ouais, non, c'était peut-être 1200. En gros, un truc autour de 1600 balles de dépassement d'honoraires, j'entends, strict. Ça marche. Plus l'hospitalisation, puisque oui, du coup... opéré dans le privé pour ne pas passer par la Sofect, donc à ce moment-là la Sofect qui maintenant s'appelle je ne sais plus comment, mais enfin qui est toujours aussi dégueulasse. Donc pour rappel, assemblée de médecins autoproclamés de divers et avariés voilà, qui se disent spécialistes des personnes trans mais qui en fait voient la transition comme un processus ultra binaire de tu dois entre guillemets, encore une fois, tout faire en termes du coup de transition médico-chirurgicale et dans un certain ordre et machin, et avoir un tel passing, etc. Enfin bref, baburk. Et du coup, comme je voulais pas, enfin de toute façon, j'aurais même pas pu, puisque du coup, selon leur grille, il faut prendre de la testostérone par exemple dans le cas des transitions FTM pour ensuite pouvoir te faire opérer de la mammec. Je sais pas sinon. Moi, j'étais pas sous hormones à ce moment-là, donc de toute façon, je pouvais pas passer par elle, mais aussi et surtout, je le souhaitais pas. Du coup, opération dans une clinique privée, et du coup, il y a aussi le coût de l'hospitalisation, qui est pas longue, mais où il faut quand même payer la chambre, et voilà. Tu peux donner... ça devait être en tout, je crois que pour 3 jours, du coup. Ah, t'es resté 3 jours là-bas ? Ouais, enfin, je suis rentrée, en fait, ouais, non, je suis restée 2 jours, enfin, ça dépend comment on compte. Bon, bref, je suis rentrée un jour, je me suis opérée ce jour-là, je suis restée la nuit, je suis restée le lendemain, la nuit, et je suis repartie le surlendemain. Ok. Et je crois que c'était dans les 300 balles. Ok. Ce qui est pas négligeable, non plus. Et voilà. Mais du coup, tout ça compris, en comptant genre les remboursements, tout ça, au final, mes parents ont déboursé un peu moins de 900 balles de leur poche. Ok. Ouais, donc ça crée... Sachant que, bon, par ailleurs, maintenant, les chirurgiens les prix ont beaucoup monté. Genre, les dépassements d'honoraires du chirurgien que j'ai été voir, maintenant, il est à 3004 de dépassement d'honoraires. On sait pourquoi ça ? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de demandes ou de... Ben, je pense parce que, surtout, c'est, en fait, c'est un peu toujours le même schéma de... quand les chirurgiennes commencent, elles font peu de relativement peu de dépassements d'honoraires, et plus si elles sont cotées et donc demandées parce que relayées sur les réseaux, machin, plus, ben, du coup, ils augmentent leur prix, quoi. Putain, ok. Ok. Si, y a un truc, on n'en a pas parlé, mais après, ça, on peut en parler après ou pas d'ailleurs. Mais du coup, tu as dit par exemple que c'est tes parents qui m'ont oublié ça, etc. Mmh. Est-ce que, comment ça s'est passé familialement? Est-ce que c'était bien pris? Je sais pas, c'était en même temps, tu peux pas. Non, mais oui, je peux faire. Bah, ça va pas être très. Enfin, pas particulièrement intéressant parce que du coup, moi j'ai eu beaucoup de. J'ai beaucoup de chance, mais c'est cool de le dire aussi. Mmh. Enfin, c'est important de le dire aussi que ça arrive aussi, que ça soit relativement simple, en fait. Et oui, non, ma mère a été tout de suite très, très soutenante. C'est une des premières personnes... Enfin, en fait, avant que je décide, moi, de faire un coming out ou quoi, genre, c'est elle qui, en venant me voir, du coup, là où je vivais, et en découvrant un peu... ouais, parce que ma mère est très cool, donc du coup, je l'emmène boire des coups avec mes potes. Et du coup, en découvrant un peu ce milieu queer et tout, qui m'a dit, mais toi, les questions de genre et tout... T'as quoi? Je vois pas de quoi tu veux dire. Non, enfin, j'ai dit du coup, oui, bah, enfin, en gros, ça m'a amené à globalement lui faire mon coming out, mais c'était même pas tant un coming out qu'une discussion, et c'était très chouette. Et à partir de là, elle a été extrêmement soutenante et cool, et genre, c'est même la personne qui m'a dit quand je flippais de l'opération, mais au pire, tu te feras mettre des implants si tu regrettes. J'étais alors, ouais, waouh, comme tu y vas. Mais en vrai, c'était hyper chou, et genre, vraiment, c'est une personne qui. Et je sais qu'en vrai, après coup, elle m'a dit que quand même, elle avait bien, bien flippé et tout ça, pour le bas, tout. Enfin, en fait, l'aspect chirurgical, j'allais dire tout bêtement. Mais globalement, enfin, elle a été très, très soutenante. Et après, bon. Mon père et ma sœur étaient un peu moins emballés. Enfin, ont été tout à fait OK sur ma transition. Et pour des raisons différentes, pour le coup, ont été. Un petit peu plus refroidi par l'idée de la chirurgie pour des raisons différentes que je, sur lesquelles je me pencherai pas parce que voilà, c'est des trucs familiaux et tout ça, mais enfin mon père non, je pense que c'est juste que voilà, il avait du mal, mais ma soeur c'est entremêlé avec plein d'autres problématiques. Du coup, ça a été un peu plus compliqué, mais enfin rien de voilà, juste que bon. Disons que je savais que c'était pas forcément les personnes auprès desquelles il fallait que j'épanche mes doutes, quoi. Mais c'était OK. Enfin, franchement... Et même mes amis hors... Du coup, hors ces trois amis de la commune queer. Franchement, tous mes amis proches ont hyper bien réagi. Et notamment, enfin... Notamment, pour le coup, même celles avec qui c'était moins simple sur le concept, on va dire, de non-binarité ou de transition en général, au niveau de la MAMEC, c'était... Il n'y avait vraiment pas de soucis, quoi. Enfin... Et t'étais pas dans un cycle d'études où... Enfin, quand t'as été à la rentrée, tu revoyais c'était les mêmes profs et tout, ou pas? Ouais. Parce que du coup, il y a aussi cette dimension-là, c'est des personnes que tu vois au quotidien. T'as pas eu des questions... Vincent, non. Je dis des bêtises. Je viens de comprendre la question. Oui. Non, en fait, quand j'ai fait mon coming out trans NB, et du coup, bien avant d'être opérée, enfin vraiment l'année où j'étais pas bien et tout ça, là, j'étais en master 2. Okay. Donc je finissais de toute façon mon cursus à la fin de cette année-là, que j'ai fini du coup, enfin, en m'outant auprès des gens dont j'étais proche dans la promo, mais sans m'outer auprès des profs, parce que j'étais un peu en mode, bon, bah, ça vaut pas le coup, quoi. Ouais. Et après, et là aussi, du coup, j'allais dire que, quand tu parlais notamment de l'investissement, notamment financier, j'allais dire aussi qu'il y a le côté que, moi, j'ai eu la chance de pas avoir à me préoccuper. Moi, je me suis juste mis un peu en pause de ma vie, en fait. J'avais fini mon master, j'ai fait genre ok, vacances, et puis septembre, opération, et puis après, on reprendra un truc plus tard. Mais quand c'est pas possible, et quand par exemple tu bosses ou que t'es dans des études et que ton opération elle arrive au milieu, je pense que c'est encore une autre paire de manches, quoi. Et voilà. Parce que même si t'as un congé en plus. Ouais. Ça, mais... tu peux pas avoir, parce que Elo disait qu'il avait mis du temps aussi à se remettre de l'opération physiquement, et du coup... Oui, c'est fatigant aussi. Ouais. Je sais pas si tu peux être arrêté, enfin, beaucoup, selon... Ça va dépendre aussi, mais... Je sais pas, mais surtout, enfin, je pense que... Ouais, je pense qu'il y a cette question-là, et puis que, comme tu dis, il y a la question de, genre, retrouver les mêmes personnes que qui te connaissaient avant, mais dans un cercle beaucoup plus large que celui de tes proches, et genre, d'avoir les regards, les questions et tout... Mais si, franchement, pas des personnes... Ouais. Chaud, quoi. Ben, moi, je sais que du coup, ouais, j'ai eu le bol de... Bah, après, je partais sur un service civique, en plus, dans une autre ville. Donc, clairement, voilà. Ok. Ok. Et ouais, t'avais pas un rapport à, justement, la chirurgie à l'hôpital compliqué ou quoi Ça, t'avais déjà été opérée avant, ou c'était pas un truc qui t'effrayait sur ce côté-là? Parce que moi, je sais que c'est grave un truc qui me flipperait de ouf. Hein. Ouais, moi, un petit peu... Enfin, en vrai, je pense pas plus que ça, un petit peu, parce que j'ai eu des opérations pas graves avant, mais qui sont vraiment pas très bien passées, pour le coup. Et genre, anesthésie qui marche pas et tout. Enfin, vraiment, les trucs, voilà, un peu genre l'horreur de... Enfin, pour le coup, avant, je flippais pas, mais du coup, sur le coup, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce qui m'arrive? Genre, ça va pas du tout. Bon, mais c'était des trucs vraiment pas graves. Et ouais, j'avoue que genre la même mec, enfin je pense aussi que enfin j'ai flippé de plein de choses, enfin juste avant, enfin en fait jusqu'au dernier moment j'ai vraiment failli ne pas y aller parce que pour le coup voilà, il y a eu un moment où j'étais sûre et où j'étais soulagée de la décision et tout pendant plusieurs mois, et puis à peu près un mois avant l'opération j'ai recommencé à avoir des énormes crises d'angoisse et de dissociation physique, parce que moi ça se manifestait beaucoup comme ça, le rapport à mon corps qui m'allait pas, c'était voilà, je dissociais, et genre j'ai jamais dissocié aussi fort que le mois avant l'opération et le mois après d'ailleurs. Là pour le coup j'ai commencé à vraiment flipper aussi de l'opération et de l'aspect technique, mais vraiment au dernier moment, parce que c'est vraiment un truc auquel j'avais pas du tout pensé, et au dernier moment je me suis dit ah merde, mais en fait aussi accessoirement je vais être anesthésiée et tout, genre ça va durer un peu longtemps, genre je vais être anesthésiée et tout, enfin voilà, genre hey, l'anesthésie quand même c'est pas facile, et genre ça m'a bien fait flipper. Je sais que le jour même de l'opération j'ai vérifié dans mon dossier qu'ils avaient noté la bonne intervention, parce que mon flip du moment c'était imagine genre ils m'opèrent d'autre chose, genre ils se gourent et genre je me réveille avec je sais pas un en moins ou n'importe quoi, enfin. Et du coup, j'avais vérifié, j'étais là genre, ok, torsoplastie bilatérale, ça va, c'est moi, c'est bon. Voilà. Donc, si j'étais quand même légèrement stressée. Mais voilà. Ouais. Et du coup, l'opération en elle-même, le suivi et tout, pendant et tout, ça s'est bien passé ou... Franchement, ouais, plutôt. Enfin, pour moi, ça allait parce que je dormais, pour ma famille, moins parce que... Bon... Du coup, ouais, vraiment, n'hésitez pas à le dire à vos chirurgiens, genre, n'annoncez jamais un temps d'opération, enfin, ou alors vraiment approximatif, mais parce que là, mon chir avait annoncé genre une heure et demie, l'opération a duré plus de 3 heures, et mes parents étaient en transe, j'aurais été persuadée que ça y est, genre, j'étais mort, ben, genre, c'était vraiment l'angoisse totale. Bon, effectivement... Est-ce qu'il y a une complication? Oui, il y a une complication, mais pas très grave. Enfin, j'ai juste perdu pas mal de sang, mais genre, c'est pas... Voilà. Bon. Ça arrive. Ça arrive, et puis voilà, quoi. Enfin, c'est un peu les aléas du truc, et genre... Mais sauf que du coup, comme il avait annoncé un temps assez précis quand même, bah, du coup, mes proches étaient vraiment en PLS, genre, du coup... Bon. Voilà. Note à suggérer, si jamais un jour vous allez voir des chirurgiennes, dites-leur genre non, ne dites pas ça à mes proches. Laissez-moi leur expliquer que ça peut être variable, parce que ça peut être quand même du simple au double, quoi. Mais du coup, pour moi, ça allait, puisque je dormais pendant tout ce temps-là, donc genre, tout cet émoi m'a pas trop... Voilà. Et après, franchement, pour le coup, c'est... Alors, bon, à petite péripétie, pas très cool, la clinique de... Je me suis retrouvée dans un service de gériatrie, donc aucun rapport. Du coup, forcément, personne comprenait ce que je foutais là. Moi non plus, d'ailleurs, mais... T'étais dans une chambre... J'étais dans une chambre seule. Ah, ok. Mais par contre, du coup, j'étais dans un service de... Enfin, pour personnes âgées. Donc ça n'avait vraiment aucun sens. Parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Enfin, sinon, on aurait... parce qu'il n'y a pas de service. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de service spécialisé. Voilà, donc on te fout là où on peut. Et alors là, en l'occurrence, c'était quand même... Enfin, et je revois très bien, c'était assez drôle parce que, enfin, en plus, maintenant, bah, je fais des études d'infirmier, donc je me mets un peu à la place des soignantes qui me voyaient dans la chambre et qui me regardaient un peu comme un ovni, mais qui n'osaient rien me dire et qui étaient là en mode... Et sinon... Pourquoi vous êtes là, moi qui étais très perplexe en mode qui me voyait avec mon gros pansement et qui était en mode genre mais enfin mes 22 ans et qui était en mode qu'est-ce qui se passe? Et voilà, bon, et j'avoue, l'infirmière qui t'appelle mademoiselle première ouais. nuit après ton OP, ça fait un peu chier. Le gender est pas très bien là. Ah ouais, le gender est pas très bien. Et moi je suis vraiment un peu une carpette, donc je dis jamais trop rien dans ces cas-là. Et là je crois que c'est globalement la seule fois, enfin. Maintenant, je dis un peu plus, mais à l'époque, pour le coup, j'étais très... Voilà. Et je crois que c'est vraiment la seule fois à ce moment-là où j'ai dit, genre, écoutez, s'il vous plaît, là, vraiment, je viens de me faire opérer, genre... Pour ça, enfin, genre... non, évitez de me donner du mademoiselle toutes les 10 minutes, parce que ça m'a vite été trop lourd. Et ouais. Bon, en fait, après, elle était très cool, et genre, je pense... Voilà, elle avait pas capté, quoi. Mais du coup, ça, dans ces contextes-là, ça fait quand même vraiment chier. Ouais. Mais après sinon pour le coup l'équipe de jour, enfin y compris du coup les infirmières et les aides-soignantes, étaient des personnes qui avaient pour le coup l'habitude de bosser avec ce chirurgien et qui du coup avaient l'habitude de des mamecs en fait, donc qui étaient très chill et qui étaient très cool, et franchement là-dessus rien à dire. Et le chirurgien qui est très très classiste et je trouve... Très chirurgien. Très chirurgien et très chirurgien, pas très cool, parce que bon, en tant que chirurgien esthétique basé en plein centre de Paris, je pense qu'il gagne suffisamment bien sa vie et il a quand même, genre, presque triplé ses dépassements d'honoraires sur les mamecs dans ces deux dernières années, ce qui est quand même pas super sympa. Mais on ne peut pas lui retirer que, en termes de suivi, franchement, il était nickel, genre. Et répondait aux mails dans les 3 minutes qui suivaient. Genre, il a accepté de me voir la veille de l'OP alors que je lui avais dit non, mais non, c'est bon, c'est pas la peine qu'on se revoie. Et en fait, deux jours avant, j'étais en panique totale et il m'a trouvé un rendez-vous, genre en mode ok, on se revoit, on discute et tout. Enfin, voilà. Et pareil, après l'opération, il était hyper présent dès que j'avais une question ou quoi. Enfin, franchement, là-dessus, assez top. Et du coup, ouais, juste après, en termes de douleur, de résultats et tout, de stress, enfin, ça a été comment pour se remettre de l'opération et par rapport aux résultats Moi, en termes de douleur, franchement, enfin, là, je passe vite parce que rien. Enfin, ouais, j'ai eu très mal au dos parce que j'étais restée 3 heures sur la table d'opération, mais voilà, j'ai pris de la morphine à l'hôpital et puis après, ça allait mieux, c'était juste à force d'être allongée, quoi. Sinon, au niveau des cicatrices et tout, vraiment pas du tout de douleur, quoi. Et après, j'étais fatiguée, je sais pas, enfin, beaucoup, je pense aussi en lien avec, enfin, du coup, la perte de sang massive, du coup, j'étais un peu, enfin, ouais, je montais les marches deux par deux et je devais faire des pauses entre chaque marche. J'habitais au 4e étage, donc c'était long. je mettais vraiment genre 10 minutes pour rentrer chez moi parce que je montais de marche, je devais m'arrêter. Mais à part ça, pour le coup, ça a duré quoi, 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Après, ça allait bien. Cicatrisation, pareil, j'ai vraiment pas eu de soucis, j'ai vraiment du bol là-dessus. Genre, ça s'est très bien passé au niveau, chirurgical, médical, même après. Au niveau du ressenti, moi ce que j'avais vraiment envie de partager aussi dans ce retour, le fait que psychologiquement j'ai été vraiment très mal après l'opération. Bah voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'avais, enfin, depuis l'enfance, je faisais des épisodes de dissociation, voilà, qui étaient clairement liés à la transidentité, peut-être pas uniquement, mais en tout cas aussi, mais qui étaient des trucs, voilà, pas un peu de dissociation, que je voyais plutôt d'ailleurs comme un mécanisme protecteur, enfin plutôt rassurant même, enfin, et que j'avais l'impression de pouvoir contrôler à peu près. Et en fait, ouais, à peu près un mois avant l'opération, j'ai commencé à faire vraiment des crises, en fait, de dissociation où je... Dans la minute qui suit, Max, tout en affirmant avoir été directement satisfait du résultat esthétique, décrit avec certains détails les crises de dissociation violentes qu'il se remit à faire durant la période d'adaptation à ce changement corporel important et comment il cherchait à lutter contre, sans parfois que ces situations ne s'arrêtent vraiment. Si vous craignez que cette partie de son récit ne vous heurte, ne vous angoisse ou vous rappelle des crises similaires, n'hésitez pas à avancer d'environ 1 minute 30 dans l'épisode. Je saurais même pas comment exprimer, mais c'était extrêmement violent. En fait, ça, j'avais l'impression que qu'il y avait quelque chose qui allait péter dans mon cerveau, en fait. Que c'était sous tension, que j'étais comme au bord de la perte de ma personne, en fait, de ma pensée en tant que personne, que genre je pouvais vriller et ne jamais revenir, entre guillemets. Et du coup, ça m'a amené vraiment, genre, enfin, en pleine nuit, à devoir me taper la tête contre les murs ou me mordre au sang pour essayer de me remettre un petit peu dans mon enveloppe corporelle. Donc c'était vraiment dur. Et après l'opération, ça a continué pendant quelques mois, en vrai, de façon plus espacée, mais... Autant j'ai tout de suite été genre hyper content du résultat, genre hyper heureux de me regarder dans la glace, genre tout de suite, même avant d'enlever les bandages et tout. Autant, bah ouais, il y avait des moments où vraiment, genre, ouais, mon cerveau pétait les plombs, quoi. Et c'était vraiment difficile parce que c'était des moments extrêmement angoissants, qu'il y a même eu une période où j'avais l'impression de jamais complètement réintégrer ma personne. J'ai l'impression d'être en permanence, en fait, dans cette espèce de flottement au-dessus de moi-même, et à tel point que je me demandais si un jour j'allais me ressentir moi-même, en fait, comme avant. Et que voilà, que la seule façon de dépasser ça, c'était vraiment de m'occuper en permanence, et encore ça marchait pas tout le temps. Genre, parfois ça se manifestait de façon complètement spontanée et tout. Et ouais, et puis bah avec tout ce que ça renvoie de, en fait, bon, moi j'avais la chance à ce moment-là de, enfin, pour le coup, bah, d'avoir encore une fois une famille vraiment soutenante, des amis soutenants aussi pour la plupart, et puis un partenaire de vie qui avait ses défauts, mais qui pour le coup était aussi concerné et qui était très rassurant là-dessus, et heureusement. Parce qu'il y avait des fois où j'avais l'impression que je me perdais, quoi, complètement. Et que je me retrouvais pas, et que je reprenais pas pied, en fait. Et que j'avais plus aucun contrôle là-dessus. Et que ça durait. Et je me disais, mais merde, en fait, peut-être que ça veut dire que c'était pas la bonne décision, quoi. Parce que c'est beaucoup ce que la société nous renvoie. C'est que déjà, c'est une décision. Comme si on choisissait un t-shirt, quoi. Tu choisis de te faire opérer, c'est pas du tout renvoyé comme quelque chose dont on peut avoir besoin. C'est vraiment, on nous le renvoie comme quelque chose qu'on choisit, comme on choisit une paire de chaussures. Mais que c'est extrêmement important et que, oulala, faut surtout pas se tromper, ce qui met une pression de ouf. Enfin, moi, je pense qu'on me pose la question vis-à-vis de à peu près n'importe quoi, n'importe quelle orientation de ma vie. Si on me dit, genre, oulala, si tu te trompes, c'est terrible, c'est l'apocalypse, ben, en fait... Je me mets à me poser des questions, forcément. Enfin, je sais pas. Et là, tout mène à se questionner. Et encore, moi, encore une fois, j'ai de la chance parce que mes proches ne me renvoyaient pas trop ça. Et donc, ça allait à peu près. Mais n'empêche que je savais que c'était pas au point où je pouvais leur parler de tout ça après l'opération. Parce que c'est quand même un truc... Genre, pour elle, c'était censé aller mieux après l'opération. Ouais. Genre, ça faisait des années qu'ils me voyaient aller pas bien... qui comprenaient pas trop, donc je pouvais pas leur dire, ah bah non, en fait, ça va pas mieux, ça va même moins bien, genre là, je suis trop dans le mal, enfin, en fait, ça va mieux, ça va mieux par moments, et quand ça va mieux, c'est incroyable, et je me suis jamais sentie comme ça, et je suis enfin... J'aime enfin. C'est même pas que j'aime, c'est que ce que je regarde dans la glace, ça a enfin l'air à peu près d'être moi. Et en même temps, de leur dire, mais d'un autre côté, j'ai jamais vécu de période aussi horrible de genre dissociation et de pétage de plomb et tout. Enfin, je pouvais pas leur dire ça. Donc je pouvais pas dire ça à mes proches, à mes amis, pareil. Enfin, que des personnes qui, quelque part, même si elles étaient bienveillantes, étaient un peu dans l'expectative de ce que ça allait donner, quoi. Un peu en mode preuve que ce soit ou pas la bonne décision. Je pourrais pas dire ça non plus, bah, et ça je pense que c'est un truc, enfin, que j'ai l'impression qu'il est généralisable, parce que justement je vois pas trop de commentaires comme ça, même encore maintenant, passer sur les groupes de personnes concernées, en fait. C'est que j'ai l'impression qu'on se voit pas dire ça à la commu, parce que pareil, on s'est un peu construit ce mythe qui est empouvoirant, et genre, et quelque part, heureusement, enfin, mais qui est du coup un peu beaucoup cliché, de genre, tu verras, voilà, le jour où enfin tu te feras opérer, bah, ça ira tellement mieux, genre, ça changera tellement ta vie, tu seras tellement bien. Et du coup, pareil, tu te vois pas, enfin, moi en tout cas, je me voyais pas dire sur les groupes, je sais pas trop quoi en penser, moi je me sens vraiment pas si bien. Et en même temps, j'étais pas du tout dans un regret de l'avoir fait. Mais juste, non, c'était pas du tout... Enfin, par moment, c'était la libération attendue et tout, mais pas du tout tout le temps, quoi. Mmh. Et en fait, voilà. Et tout ça pour dire que... moi, je veux vraiment appuyer sur le fait que je trouve que c'est... c'est OK. Et pour en avoir parlé un peu... Enfin, avoir eu l'occasion depuis d'en parler un peu plus avec d'autres personnes qui ont vécu le même... type de situation, d'ailleurs, vis-à-vis de cette chirurgie ou d'une autre. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement courant, mais qu'on se dit pas, et qu'y compris on se dit pas entre nous. Et je trouve que c'est un truc qui gagnerait à être verbalisé, ou en tout cas banalisé. Enfin, qu'en gros, on puisse s'autoriser... Bah, on soit pas obligé de se le dire, bien sûr, mais qu'on puisse s'autoriser à se le dire, et que ça veuille pas tout de suite dire... retour à la case binaire, ah bah ça veut dire qu'en fait c'était pas vraiment ça qu'il te fallait peut-être, ou c'était... Enfin, non, en fait ça veut juste dire, c'est un changement énorme, littéralement d'une heure à l'autre, c'est ça, de c'est tout ton corps, et quel que soit le point auquel... Bon, moi c'était... Je dirais pas que j'étais dans la détestation de mon corps d'avant, ce serait pas vrai, c'est pas ça le terme, mais je pense aussi que quel que soit le point auquel tu détestes ton corps avant, c'est quand même celui auquel tu t'es habitué pendant X années, en fait. Et que du coup, bah, en fait, en changer, comme ça, genre, tu t'endors, t'en as un, tu te réveilles, t'en as un autre, bah, c'est quand même, enfin, ça fait grave bugger le cerveau, en fait. Et ça veut pas dire que c'était pas la bonne décision, ou que c'était pas le truc à faire. C'est juste ou que c'est pas toi dans ce nouveau corps, ça veut juste dire que faut le temps de s'habituer, quoi. Ouais, c'est ça, l'adaptation, la transition, c'est quoi. Ça. Vraiment, ouais, littéralement. Et moi, pour le coup, ça a mis un petit moment. Je suis pas quelqu'un de très rapide de manière générale, c'est pas très étonnant, mais voilà, je pense en 4-5 mois, pour faire une fourchette large, 4-5 mois, ça a diminué progressivement, hein. Et puis au bout de 4-5 mois, plus aucun souci, et depuis j'ai jamais refait, pour le coup, de dissociation d'aucune sorte, y compris l'aspect un peu plus chill que je connaissais avant, depuis l'enfance, hein. Et je suis hyper bien maintenant comme je suis, et je regrette absolument pas, au contraire, je pense que c'est genre un des meilleurs trucs que j'ai décidé dans ma vie pour moi-même. T'es bien avec ton torse, je suis bien avec mon torse. Mais ça a pris du temps que ma tête s'habitue à mon torse. Et y a, du coup, tu dis 4-5 mois, mais il y a un moment où tu as vu qu'il y avait... Il y a pas eu un... Enfin, c'est juste que ça s'est arrêté au bout de 4-5 mois, mais il y a pas eu un truc qui, où tu t'es dit « Ah là, je me sens un peu mieux ou... » Il y a eu plusieurs moments. Mais non, ça a été progressif, vraiment. Okay. Ça a vraiment été progressif. Et je pense que c'est plus qu'il y a un moment où en fait, j'ai regardé derrière moi et j'ai fait genre « Ah tiens, ah bah oui, ça m'arrive plus, tiens. » Ah bah oui, en fait, ça... voilà. Aussi, ça a commencé à s'améliorer à partir du moment où, justement, avec avec l'appui de mes proches. Enfin, bon, surtout de mon proche, du coup, parce que pour être honnête, là-dessus, il y a surtout une seule personne qui m'a vraiment accompagnée là-dedans, où j'ai commencé à aussi dédramatiser ces crises-là, et à me dire, ok, c'est horrible, enfin, c'est hyper, littéralement malaisant à vivre, mais c'est pas grave, et genre, n'en tire pas de conclusion, en fait. Genre, juste, c'est très désagréable, et ça passe. Mais ça veut rien dire, quoi. Et ça passe. Plus ou moins. Mais plus je me disais ça, et plus ça passait, et puis plus ça s'espaçait. Enfin, au bout d'un moment, bah, plus rien, quoi. Parce que ça pouvait durer longtemps, ces crises. Bah, y a un moment où je redescendais jamais, en fait. Pendant je pense, à pas tout de suite après l'opération, mais, ouais, genre, 2-3 mois après, il y a eu un moment, bah, en plus, c'était le confinement, donc... aussi contexte où j'avais plus d'autres trucs pour m'occuper et tout ça, et où vraiment il y a eu, ouais, il y a eu quelques semaines où j'avais l'impression de jamais complètement redescendre, quoi, et où toutes mes nuits c'était ça. Et les autres, et tu penses que, enfin, les autres personnes captaient vraiment pas autour de toi que t'étais dissociée? Bah, genre, du coup, on en reparlait par la suite, du avec coup, des personnes que ton partenaire. Bah, à ce moment-là, en fait, j'étais juste avec mon partenaire et sa sœur et la copine de sa sœur. Enfin, on était isolés, du coup, à la campagne. Donc, j'étais dans un milieu un peu restreint, particulier. Et ses autres personnes... Enfin, en tout cas, sa sœur et tout, autres personnes. Bah, si, du coup, c'est un truc dont je leur avais parlé parce qu'on vivait ensemble. Donc, ouais, si. Après, je pense que ça se voyait pas forcément, mais ça... enfin, mais toi, tu... enfin, après c'était bon. Voilà, enfin, c'était moins fort, enfin, c'était vraiment la nuit où c'était très fort. La journée, de toute façon, j'arrivais quand même à, enfin, voilà, à m'occuper avec des trucs, ne serait-ce que genre des séries, des trucs qui me stimulaient, enfin, sur autre chose, en fait, et qui me faisaient ne pas me concentrer là-dessus. Et est-ce que c'est pas lié aussi, enfin, en fait, tu veux, tout à l'heure tu disais la pression que c'est de présenter ça comme justement un point de non-retour et d'identité. Est-ce que tu penses pas que, genre, il y avait aussi ce truc de pression de se dire, enfin, et où est-ce que t'en es aussi par rapport à ça? Genre, est-ce que du coup t'as l'impression, enfin, par rapport à ce truc d'identité et tout, que, genre, c'est encore quand même en construction et tout, ou que effectivement il y a eu un point non, enfin, que c'est bon, genre. T'es arrivée à ce truc, enfin... Ouais, non, effectivement, oui, c'est intéressant, je pense, enfin... Oui, qu'en effet, il y a ce truc de genre entre le construit et la vision qu'on a des étapes de construction et la vision qu'on a de ce qui est... Enfin, en plus de ce qui est le corps et de ce qui est... Enfin, voilà, moi, je pense, j'ai été élevée comme, je pense, j'imagine, la plupart des gens, comme... Comme, voilà, ce que tu prends comme décision de te modifier, genre, corporellement, c'est... Enfin, c'est vraiment, genre, un peu le dernier recours. C'est vraiment, genre, un truc... Vraiment, waouh, là, genre, tu touches limite à ton essence et tout. Enfin, il y a un peu cette question-là. Et du coup, je pense que c'était beaucoup lié à tout ça. Et qu'en fait, bah... Non, maintenant, je considère pas du tout... Enfin... Oui, je pense que... Ça venait questionner plein de trucs chez moi, notamment sur le plan, bah, enfin, romantico-sexuel, où, genre, je galérais de ouf à l'époque. J'étais très seule sur ce plan-là depuis longtemps, et je devais l'être d'ailleurs encore un certain temps après. Et, genre, en fait, le fait d'envisager l'opération, j'avais l'impression, par exemple, que du point de vue romantico-sexuel, mais même du point de vue, enfin, y compris du point de vue social, amical et tout, ben, en fait, ça risquait de me fermer des portes, parce que quelque part, même si j'avais déjà fait une forme de CO, genre, je pouvais toujours revenir en arrière quand j'en avais besoin, ou en tout cas je m'imaginais le faire, parce qu'en fait je le faisais pas, ça, c'est un truc dont je me suis aperçue par la suite, mais je me disais que je pouvais le faire, et c'était rassurant de me dire, en fait, bah, si j'ai envie, je sais pas, enfin, autant amicalement, non, je dis un peu des conneries, parce qu'amicalement, enfin, j'étais entourée de personnes qui étaient très ok là-dessus, donc c'était pas tellement la question. Mais ouais, vraiment plus sur le plan de la séduction et tout. Bah, où en fait, je me disais, voilà, moi en plus, j'étais à ce moment-là, enfin, plutôt attirée par les personnes Gwyn, un peu vénère, genre Butch, dans le style souvent, ou genre, ou même des personnes trans, justement, et genre, je me disais un peu, ben, en fait, comment je me situe. Enfin, en gros, si moi je transitionne, genre physiquement à ce niveau-là, en fait, genre je pourrais plus, si j'ai envie, faire marche arrière, et, enfin faire marche arrière entre guillemets, ou me présenter à telle personne comme une meuf Gwyn, en fait, ou ne pas rentrer dans les détails et puis m'en foutre parce que c'est juste quelqu'un avec qui je passe la nuit. Enfin, là je pourrais pas parce que, en fait, ça sera genre sur mon corps, donc à un moment, enfin voilà. Bon, et en fait, il s'est avéré que, enfin, c'est pas que c'était con comme question, parce que je pense que c'est effectivement préoccupant, et que, voilà, mais que, enfin, en tout cas, pour moi, c'était une question qui valait la peine de se poser, mais qu'en fait, j'allais dire, évidemment, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça que ça se passait, et qu'en fait... Enfin, qu'en fait, c'est même pas que ça changeait rien, c'est que c'est moi qui ai, de toute façon, à partir du moment où j'ai commencé à m'outer, qui ai plus eu envie de retourner dans la case meuf cis, de toute façon. Et que, en fait, que j'ai, enfin, que je me sois fait opérer ou pas, je constatais d'ailleurs, même avant de me faire opérer, qu'en fait, justement, cette espèce de carte joker de « je peux faire autrement », je l'utilisais pas. Que ça me rassurait de me dire que éventuellement machin, mais qu'en fait je le faisais pas, quoi. C'est ce qu'on dit, les fameux trucs des seuils, des trucs de genre, ouais. En fait, se dire, ah, après j'aurai plus le choix de si jamais, mais au final, une fois que tu y es, C'est ça. Et au final, une fois que tu y es, ça change pas grand chose, parce qu'en fait, une fois que tu y es, t'as déjà construit pour le coup une partie de ton identité en mode, en fait, j'ai plus envie de toute façon de revenir en arrière, donc qu'est-ce qu'on s'en fout de, enfin voilà. Et pour répondre à ta question de genre. Enfin, sur la construction de l'identité de genre, oui, non, pour moi, elle est clairement toujours mouvante, et même peut-être, enfin, différemment, mais tout autant, quoi. Enfin, oui, enfin, dans le sens, oui et non, parce que j'ai quand même, pour moi, j'ai quand même vraiment l'impression d'avoir vraiment atteint une forme de sérénité là-dessus que j'avais jamais eue, et je vois bien la diff avec avant, et en même temps c'est toujours un process, et genre et là maintenant j'ai commencé à prendre de la testo, et c'est encore autre chose, et genre voilà. T'y pensais depuis la MAMEC, ou genre Ouais, j'y pensais un peu depuis, après la MAMEC, quelques temps après la MAMEC. Et je sais pas d'ailleurs si je vais en prendre longtemps ou quoi, mais voilà. Mais pour moi, c'est vrai que c'est quand même différent. Enfin, je pense que la mammectomie, pour moi, c'était vraiment l'étape dont, quand même assez vite, et malgré les hésitations et les trucs contradictoires et les injonctions et tout ça, et genre, en essayant de mettre un peu à part tout ce ce qui est beaucoup plus facile à faire rétrospectivement, bien sûr, mais enfin, c'était, pour moi, c'était vraiment le truc dont j'avais besoin de manière très, voilà, très très, j'allais dire urgente, mais c'est même pas ça, genre très forte, et qu'effectivement, une fois que c'était fait, pas dans le sens une fois que l'opération était passée, mais une fois que c'était digéré, en effet, ben, et voilà. Et là par exemple, je ressens plus du tout la même urgence vis-à-vis de la prise d'hormones que je le ressentais vis-à-vis de l'opération. Je suis en mode, c'est chouette, mais genre voilà. Là, je suis pas en souffrance dans mon corps ou en intolérance totale de mon corps. Enfin, c'est plus du tout le même rapport, quoi. Oui, je capte. Et par rapport au regard dans la sphère de séduction et d'intimité et tout, et la peur de genre, enfin, ce que tu disais, de devoir, enfin, d'être un peu catalogué ou d'être machin, ça s'est vérifié. Enfin, ça s'est. T'es plus à l'aise. oui, au final du coup j'ai, enfin déjà en fait je m'attendais pas, quand je me posais ces questions, à être en couple au moment où je me faisais opérer, et en fait il s'est avéré que j'avais rencontré du coup quelqu'un l'été juste avant mon opération, donc en fait j'ai été avec quelqu'un pendant ce process là, ce qui a été vachement aidant sur genre la façon dont je me voyais moi avant, la façon dont je me suis vue pendant, la façon dont je me suis vue après, enfin le fait qu'il y ait une même personne qui, oui, qui me montre voilà, de l'amour pendant tout ce temps-là, de manière pour le coup assez constante, ben c'était vraiment aidant, je pense. Et puis après, après j'ai évolué dans un autre milieu où pour le coup, genre, j'ai plus, je pense, connecté avec les personnes sur un plan à la fois personnel et militant, et où en fait j'ai vu que c'était pas du tout une question, qu'en fait ça avait pas d'importance, enfin que pas dans le sens où parce on que s'en c'est fiche, connu mais dans dans le sens, notre milieu aussi, dans le sens que c'était ni un objet de fétichisation ni un frein en fait, hein, sur le plan sexo-romantique, j'entends. Dans tout ce que tu as dit, il y a eu deux trucs auxquels je pensais, que je pense qui te permettent de monter aussi en généralité sur d'autres choses dans leur rapport au corps et, et notamment construit socialement. C'est à la fois le fait de tout ramener à des décisions méga importantes, tout ce qui touche au corps qui est vraiment hyper sacralisé. Et que même si, genre, depuis les années 60-70, on a en Occident vachement ce truc de militer pour tout ce qui touche au corps de chaque personne, c'est notre choix, etc. Mais qui en même temps est vraiment justement en mode choix méga important et méga. Enfin, une espèce de pression, et où au final tout le monde quand même s'accorde à avoir un avis pour être sûr que tu fasses ou pas le bon choix, comme si c'était genre. Comme s'il y avait un truc hyper des sens de l'identité, de soi, de se retrouver, etc. De pas faire de conneries sur son corps et qu'il se retrouve dans les transidentités, dans les rapports aux morphologies, enfin que moi j'ai vu aussi par rapport à mes pertes de poids, des trucs comme ça, enfin genre. Et de ce qu'on peut faire, enfin qu'il se retrouve aussi même genre sur certains pratiques corporelles et tout. Et du coup je trouve que ça c'est intéressant, rien que le fait d'avoir les checks, il y a les checks médicaux et tout, les attestes, les ordos et tout qu'on demande pour plein de raisons, mais il y a aussi le checking un peu social, familial et tout. Et après aussi ça me faisait penser dans ce que tu disais de justement pas vouloir dire que, enfin de devoir un peu minimiser les côtés, c'est un peu plus complexe et genre non c'est pas genre d'un coup forcément que l'euphorie de genre direct et tout, et l'euphorie juste de corps en fait. En fait je sais pas, ça me faisait penser à tous les trucs sur le postpartum par exemple, tu vois, parce que c'est des gros trucs comme ça ou qui sont très tabous, ou en fait parce que la maternité c'est censé être un truc tellement génial et tout, et que souvent des personnes par exemple qui ont galéré, il y a tellement de gens aussi qui galèrent à avoir des gosses et qui le veulent, et que c'est censé être une valeur en soi, et du coup l'écoute commence à se libérer par rapport à ça, et du coup la parole aussi, mais même de personnes qui entre elles disaient mais pourquoi est-ce que ma mère ou mes copines qui étaient maintenant copines, enfin genre qui sont qui ont été enceintes etc, ne peuvent pas genre me dire que ça a été difficile et que l'accouchement est difficile etc, et qu'en fait on peut déprimer après, et du coup je trouve que c'est intéressant cette espèce de façon de garder un peu secret tous ces trucs. C'était juste pour mon temps général. Je trouve très intéressant le parallèle, et je pense que c'est un peu la mécanique effectivement de genre truc qui est censé te rendre heureux. Et du coup c'est censé être paf immédiat. Puis t'en as parlé et tout, tu t'es fait, donc vas-y maintenant c'est bon, c'est acté. T'as pas le temps de digérer, quoi. C'est acté quoi, ouais. C'est comme ça genre Tu voulais rajouter quelque chose ou des conseils ou quoi, ou est-ce que genre bon, c'est un peu spécialement, mais juste voilà, de ouais, de je pense, enfin pour le coup, ce que j'ai, enfin il y a juste une seule fois où j'ai eu l'occasion de faire un peu le conseiller trans-LGBT pour une personne qui se faisait opérer alors que moi je l'étais déjà, et j'ai, enfin apparemment ça a un peu aidé, donc j'ai peut-être répété la même chose de en fait c'est normal qu'il y ait plein de trucs qui fusent dans la tête, enfin, et là je parle d'une fois que la décision de l'opération est prise, hein, ce qui est pas du tout, encore une fois, enfin j'insiste sur le fait que genre c'est pas du tout un truc genre obligatoire ou qui valide la transidentité ou la non-binarité ou quoi, enfin comme n'importe quelle autre étape. Enfin qui la rende plus légitime, quoi. Oui. Oui, parce que... oui, voilà, qui légitime, pardon. Genre, c'est un truc, les personnes qui en ont envie, quand on a envie, si elles ont besoin, très bien, mais les personnes qui en ont pas envie, si elles ont besoin, n'en sont pas moins des personnes concernées, enfin, c'est pas ça. Du tout, voilà. Mais pour les personnes qui arrivent à cette prise de décision à un moment donné, parce que pour le coup, ça reste quand même à un moment une prise de décision de fait, hein, actuellement, en fait, je pense que, en gros... Enfin, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais pas de panique, ou en tout cas pas trop de panique, si genre c'est la grosse panique dans vos têtes juste avant ou à plein de moments, parce que en fait, ouais, même une fois que vous avez pris la décision, c'est un truc dont le tout et tout le monde renvoie au fait que c'est une énorme décision et qu'il faut surtout pas se tromper, machin, donc évidemment qu'on panique, hein. Évidemment. Et pour moi, je sais que j'avais vachement résolu, j'avais pas du tout résolu, mais je veux dire, j'avais dealé avec ça en me disant, jusqu'au dernier moment, je peux me barrer, en fait. Genre, j'y vais, mais littéralement, tant que je suis pas endormie sur la table d'opération, je peux me barrer. Oui, parce que c'est moi qui... Ok. Parce que justement, il flippait juste avant, il m'avait demandé, et je lui ai dit, écoute, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis dit, en fait, non, là, t'y es pas encore. Te dis pas genre c'est bon, j'ai plus le choix, j'y vais, oh là là, mon Dieu, non, là t'as toujours le choix, en fait, jusqu'au moment où t'es endormi sur la table d'opé, t'as le choix, et si tu veux pas, tu t'en vas, t'as à t'excuser auprès de personne, c'est ton corps, c'est tes trucs, c'est ton identité, c'est la construction de ton identité, mais t'as déjà payé, non? non, pas, okay. Je paye après, heureusement. Et non, vraiment, littéralement, tu t'en vas, quoi. En fait, là, c'est pas un truc de politesse, de je sais pas quoi, tu t'en vas. Et pour le coup, moi, je m'étais dit, ok, là, je suis au moment où je suis allongée sur la table d'OP et où on est en train de m'injecter l'anesthésiant, en fait, c'est que j'ai envie d'être là, quoi. Si je suis allée jusqu'au bout en me disant à tout moment, et en essayant vraiment de me dire à tout moment, tu sais, là, tu peux toujours sortir, tu veux sortir ? Non, bon, d'accord, on reste là. Et à tout moment, en gros, de checker avec moi-même, je me disais, si je suis arrivée jusque-là, en fait, on va arrêter de se prendre le chou, c'est que je veux être là, quoi. C'est cool. Mais bon, après, voilà, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui peut un peu aider à passer ce cap parfois compliqué, pour avant l'OP et pour après, d'ailleurs. De se rappeler aussi que c'est quelque chose... C'est une manière de se faire confiance. Enfin, je sais pas si j'arriverai à me faire confiance de la sorte, mais je trouve que c'est hyper fort. Malgré... Et surtout que tu puisses dire ça tout en ayant témoigné de tous les trucs de dissociation aussi par avant. Mais ouais, et du coup, je trouve que pour les personnes alliées, ce qui a à retenir, ce qui me frappe dans les deux témoignages, ce que disait aussi Elio, c'était genre pour les personnes alliées, ça sert à rien, en fait, de poser tout un tas de questions de genre es-tu sûr, parce qu'en fait c'est des questions qui sont déjà dans les têtes des personnes qui se posent cette question. Donc du coup, genre, juste d'être là et d'écouter et de c'est pas leur rôle de faire les questions sur le rapport au corps et tout, enfin tout à fait. Puis de laisser plutôt place à peut-être des questions du type comment tu te sens, si les personnes ont envie d'en parler, parce que ça, pour le coup, c'est peut-être des questions qui sont moins posées à partir du moment où il y a une prise de décision. Donc, entre guillemets, on considère que quelque part qu'on se sent bien avec cette décision, alors ce qui est pas, enfin, ce qui peut être le cas, mais je veux dire, c'est pas forcément évident pour autant, et du coup, je pense que, ouais. Du coup, si t'as rien à ajouter. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Très intéressant, très précieux.